petit peu mignon là. Ça prend pas deux. Ça fait 20 minutes que tu passes. Oh, mais ça prend ça. Bouge plus. Nous avons des problèmes dans les studios, non? Et qu'est-ce que ça va? Sound System. Sound System, fréquence 95-30 pour le meilleur de la musique électronique et de la rétro. Welcome, bon réveil, c'est Jérémy, c'est dimanche, il est 10h et c'est la phase B, le concept 100% interactif. Vous avez eu toute la semaine pour m'envoyer vos mix au rétro. J'en ai sélectionné quelques-uns, 4 nouveaux mix au rétro à découvrir aujourd'hui. On démarre avec DJ Mylox jusqu'à 10h30, suivi à 10h30 de DJ Sacha pour de la rétro trance. À 11h, une surprise pour les fans de la bûche avec un mix 100% rétro. Et à 11h30, on terminera notre émission tout à l'heure avec DJ Philippe qui nous accompagnera jusqu'au 4 des midi. Tout de suite, c'est Mylox, tu restes calé Sound System et Galaxy. Bon week-end sur Galaxy. Galaxy, la face B. Merci d'être scotché sur le live.galaxyfm.com et profitez de nos programmes 100% rétro le dimanche matin entre 10h et midi, le concept 100% interactif. Vous m'envoyez vos mix pendant la semaine et c'est peut-être diffusé le dimanche matin. Tu viens d'écouter DJ Mylox, place tout de suite à Sacha pour de la rétro trance et on se retrouve à 11h pour une surprise. Les fans de La Bûche risquent d'être ravis puisqu'on s'écoutera un mix de DJ George, un mix de la bonne époque, la fin des années 90, un mix 100% rétro. À tout à l'heure, 11h pour George. la face B, le concept 100% interactif. Tu profites du bon son rétro mixé par Sacha depuis 10h30. Juste avant, c'était Mylox qui avait démarré l'émission à 10h. Il est 11h, welcome, bon réveil, merci d'être calé Galaxy. Une surprise pour toi, un mix enregistré à la bûche à la fin des années 90. En 1999, tu fermes les yeux. En 99, c'était Georges qui était aux platines. L'enregistrement, c'est pour toi une demi-heure de bon son rétro de la bûche. On se retrouve tout à l'heure à 11h30 pour Philippe, le dernier DJ rétro de cette matinée. À tout à l'heure. Sound system.

System Galaxy, la face B, que de souvenirs avec à l'instant un enregistrement collector rétro signé La Bûche et DJ Georges. Enregistrement réalisé en 1999. J'essaierai de t'en diffuser de temps en temps des mix collector rétro des principaux clubs de la région. On continue dans le concept 100% interactif. Il est 11h30. Place à DJ Philippe qui nous accompagne jusqu'au 4 des midi. Tu restes calé Sound System et Galaxy. We'll be right back. We'll be right back. We'll be right back. System Galaxy, encore quelques minutes à passer avec DJ Philippe. L'émission touche à sa fin. Je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour deux autres Sound System. Le samedi, tout d'abord, la face A entre 8h et 10h pour du mix 100% rétro. Et le dimanche, la face B de l'émission, le concept 100% interactif. Entre 10h et midi, vous avez toute la semaine pour m'envoyer vos mix. J'en sélectionne quelques-uns et ils seront peut-être diffusés dimanche prochain entre 10h et midi. C'est le concept 100% interactif de Sound System, la face B. D'ici là, tu te connectes sur internet www.soundsystem-mix.fr. Encore quelques minutes avec DJ Philippe. À la semaine prochaine. Ciao. Thank you.